Ah, l'amour. Il ne m'était jamais arrivé de rencontrer un homme et de ne penser qu'à lui. Je marque en Afrique, Malolo. Un Piot Anderson, Florent, Edith et Tendresse, Maman Amika, Goldswill, Anna Pente Noire, Chris et Mazetti. Ma promenade, ma fille pa pa pa ma, le tanguant va se y barouage, la cosa ga yo barate la pa pa pa. Et l'ange journaliste de TT. Dans la bangura va cosinga mona gambo, un bambolu ka po ba bebisa, ba susu ba elisa ba tito nori. Na matendo Pati de Misakila Abel Maïra, papa na Théodora Jamate Tibé. Massa comme quoi est toujours en présence. Bayoka. Bazoka mbango, bayoka mpere le peba tika bimpaka. Wana mboka mi palite. Ozoka. Akana kosuka wapi ngana sangi bolingo. Aja make di me papa si bona kele kie. Yeah. Bana na quartier royal basa la kitoko po film monte zali pona bango hein bana chombe cho na olombo bana bana kwa yene la bana kwa kwa don je de mort Otar Mayela Hilario Chuta na metro cano.